Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Pierre Bellemare est l'invité de Franck Ferrand cet après-midi au cœur de l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. C'est toujours une joie pour moi de recevoir Pierre Bellemare chez lui, on peut le dire, à Europe 1 et à son heure, celle des dossiers extraordinaires et de toutes ces histoires qui nous faisaient arriver en retard à l'école en ce qui me concerne. Il vient nous parler d'un bel album qu'il publie avec Pierre Ecker sur les 44 photos qui ont bouleversé le monde entre 1940 et 1945. Une de ces photos nous montre les naufragés du Laconia. Et ça m'a rappelé la demande d'Edoui, qui souhaitait que nous revenions sur ce grand moment d'histoire. Alors je vais vous raconter le Laconia dans un instant. Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question d'Amaury sur les origines de la petite ceinture et de la grande ceinture parisienne. Alors un jour de grands embouteillages, vous avouerez que ça ne manque pas de sel. Pour le moment, place au torpillage du paquebot britannique Laconia. C'était le 12 septembre 1942. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. En cette fin d'été 1942, la bataille de l'Atlantique fait rage. Nous sommes le 12 septembre exactement, au large des côtes de l'Afrique occidentale, et le sous-marin allemand U-156 est en train de changer de route complètement. On est au large, je vous l'ai dit, des côtes de l'Afrique. Il est à la recherche d'un convoi ennemi, anglais en l'occurrence, dont l'itinéraire a été intercepté par le service qui, à Berlin, est chargé du décryptement des télégrammes militaires. Le capitaine de corvette Werner Hartenstein n'en sait pas beaucoup plus sur l'objectif quand soudain, à 11h37, le veilleur de bord hurle dans son micro « Fumée à tribord arrière ». Entre parenthèses, il fallait avoir une bonne vue, vous imaginez la brume, les reflets sur l'eau, etc. Mais effectivement, on aperçoit un grand paquebot, visiblement britannique, qui fait route isolément. Il vient de contourner en fait ce paquebot tout le continent africain puisqu'il arrive du Caire via le Cap, vous imaginez. Il a passé depuis pas mal de temps à Sainte-Hélène et il vient de laisser au sud la petite île de l'Ascension. Ça joue un rôle très important dans notre histoire. À son bord, plus de 3000 passagers. Il y a 1600 Britanniques, dont 80 femmes et enfants. Je reviendrai plus loin sur le reste des passagers. Il a reçu l'ordre de faire un crochet par Freetown afin de rejoindre un convoi sous escorte et c'est cet ordre qui justement a été intercepté à Berlin par les Allemands. À bord du sous-marin, le capitaine Hartenstein décide de prendre son temps. Vous verrez que ce serait dommage d'aller manquer une aussi belle cible sous le coup de la précipitation. Il décide d'attendre la nuit afin de s'approcher le plus possible et de torpiller le paquebot quasiment à bout portant. 22h07, il approche, vous imaginez cette espèce de gros requin métallique et silencieux, il approche du navire insouciant parce qu'à bord l'atmosphère est à la fête, notamment dans les salons de première classe qui ont été calfeutrés, ce sont les mesures de guerre bien entendu, mais les couples en tenue de soirée, on est chez les Anglais n'est-ce pas, sont en train de danser après le repas, on s'apprête à regagner les cabines, en fait les passagers n'en auront pas le temps car dès 22h07, Werner Hartenstein décide de passer à l'action. Ça fait dix heures, qu'il attendait. Son U-boat s'est approché le plus possible du grand paquebot. Il s'est positionné et le capitaine, chose qui n'est pas du tout habituelle, va lui-même actionner le levier de mise à feu du tube 1 et 20 secondes plus tard, il actionnera celui du tube 3. À bord, on vient juste d'entonner le God Save the King qui marque la fin de la soirée et c'est la première explosion, je dis la première, vous allez voir qu'il y en a une deuxième. Affolement général, bien entendu, on se précipite vers les embarcations qu'il va falloir mettre à l'eau. Déjà, le paquebot fait gîte à tribord. Sur les ponts supérieurs, les manœuvres s'effectuent pour l'instant sans trop d'encombre. Mais on ne peut pas du tout en dire autant de ce qui se passe dans le ventre du navire, dans cette cale aveugle où s'entassent les prisonniers. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait environ 1600 Anglais à bord, mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le paquebot transporte aussi, parqués dans de véritables cages, suant derrière leurs grillages, quelques 1600 prisonniers de guerre italiens qui ont été capturés en Libye et évacués devant l'avancée des troupes de Rommel. Et ça, évidemment, au moment où ils tirent, les Allemands l'ignorent. Dès la première explosion, les prisonniers ont perdu leur sang-froid. Ils se sont vus tout simplement couler avec le navire prisonnier dans les cages, vous vous imaginez. Or, les gardiens, qui sont des Polonais, ont l'ordre en cas de naufrage d'attendre, pour libérer les captifs, d'attendre que les embarcations de secours aient déjà été mises à la mer. Ce qui fait que, malgré les hurlements de ces hommes en cage, pour l'instant, ils attendent un ordre pour ouvrir. Or, très vite, arrive cette seconde explosion, encore bien plus forte que la première, qui crée une secousse incroyable, qui disloque des cages à l'arrière, et les premiers prisonniers profitent pour sortir et pour évidemment aider leurs camarades à s'extraire de leur propre cage. Ils les libèrent. C'est une marée humaine en furie hurlante qui remonte jusqu'aux coursives et qui va déferler sur l'intérieur du navire en tuant tout ce qui passe, tout ce qui bouge. En fait, la seconde explosion a eu raison du Laconia. Le grand paquebot pique du nez dans les eaux sombres, il coule à pic en quelques minutes et il entraîne vers les profondeurs quelques 1500 victimes déjà, dont beaucoup de prisonniers qui n'ont pas eu le temps encore de se libérer des cages. C'est une mort sur laquelle je n'insiste même pas, bien entendu, vous imaginez l'horreur. Jamais Werner Hartenstein n'avait coulé un aussi gros bâtiment. Il faut l'imaginer à bord de son sous-marin, il ne cache pas sa satisfaction. Le U-156 fait maintenant surface parce que ça, ce sont les consignes de guerre. Le sous-marin qui vient de couler un navire doit s'approcher pour tenter de faire prisonnier le commandant de bord. En l'occurrence, en pleine nuit, alors qu'il y a des centaines de naufragés, la mission a l'air assez peu réaliste. Mais vous savez, les Allemands ne plaisantent pas sur la discipline. Or, au moment où le U-156 fait surface, les cris de joie à bord font place au silence. L'équipage du U-boat est ahuri par ce qu'il découvre, cette foule de têtes à la surface. Vous imaginez ces naufragés qui s'accrochent aux canots de sauvetage, d'autres à des épaves flottantes. La mer est assez chaude, ce qui fait qu'ils sont là par centaines à tenir pour l'instant, à appeler à l'aide. Or, à mesure que le sous-marin qui maintenant est en surface avance, à mesure qu'il se glisse au milieu de ce champ de têtes, le capitaine aperçoit des cris et aperçoit des uniformes et surtout des cris en italien « aiuto, aiuto ». Ce qui signifie qu'en fait, il n'a pas seulement coulé des Britanniques. Hartenstein comprend tout. Il vient d'envoyer par le fond un navire qui transportait des prisonniers de guerre italiens, autrement dit des soldats de l'Axe, des alliés de l'Allemagne, des amis, des frères. Et ça, évidemment, ça change tout. Un extrait de la bande originale du film U-561 sur Europe 1, composé par Richard Marvin. Dans un instant sur Europe 1, nous vous retrouvons Franck Ferrand pour la suite de votre récit sur le naufrage du Laconia. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Nous revivons avec vous, Franck Ferrand, le naufrage du Laconia. C'est extraordinaire parce que Pierre Belmar est en train, en même temps, de me raconter une histoire incroyable. On est au milieu des histoires incroyables. On va y venir tout à l'heure, on ne va pas en priver nos auditeurs. Alors, il faut imaginer ce capitaine Werner Hartenstein qui adresse tout de suite un message radio à l'état-major du grand amiral de la flotte allemande, Karl Dönitz, état-major qui, à cette époque, se trouve à Paris, évidemment, boulevard Suchet. Et là aussi, changement de programme. À Paris, le premier message du U-156 annonçant le torpillage du Laconia avait été accueilli, vous l'imaginez, avec satisfaction. L'officier d'astreinte se voyait déjà annonçant la nouvelle au grand amiral le lendemain matin, il était tout content. Seulement quand arrive le second message, là c'est la consternation. On est obligé d'aller réveiller le patron qui certainement va être d'une humeur encore plus terrible qu'à l'accoutumée. De fait, Dönitz, quand il entre dans la salle de commandement 20 minutes plus tard, a son masque des mauvais jours ou plutôt des mauvaises nuits. Il prend connaissance lui-même du message de Hartenstein qui dit « couler Laconia britannique », alors avec toutes les positions, « malheureusement avec 1500 Italiens prisonniers de guerre. J'en ai jusqu'ici recueilli 90 », signé Hartenstein. L'état-major est outré, vous imaginez. Recueillir des naufragés dans un sous-marin, non seulement c'est contraire aux ordres, mais c'est littéralement suicidaire, parce qu'en effet, avec une telle surcharge, vous ne pouvez plus sonder, comme on dit, c'est-à-dire plonger, si vous préférez. Ça oblige le vaisseau à demeurer en surface, ce qui fait, pour un sous-marin, une proie très facile. Les conseillers du grand amiral sont unanimes, il faut vite rejeter les naufragés et éloigner le U-156. Accessoirement, il va falloir punir cet idiot de Werner Hartenstein. Karl Dönitz les écoute en silence et puis, à la stupéfaction générale, il déclare « Hartenstein a peut-être eu tort d'entreprendre ce sauvetage, mais il est sur place et seul juge des décisions à prendre. Il y a des heures, messieurs, où l'honneur commande, nous allons l'aider. » Stupéfaction, vous imaginez. Et Dönitz, dans la foulée, dicte à son aide-de-camp l'ordre suivant, adressé à trois U-boats les plus proches hein, de la zone d'activité du U-156, Zart, Wundermann et Wilamowitz, faites route à toute vitesse sur Hartenstein. En marchant 15 nœuds, j'estime que vous pouvez arriver en 2 jours sur le lieu du naufrage. Et à l'état-major, on entend maintenant une mouche voler. Le grand amiral adresse donc des renforts à ce diable de Hartenstein qui vient de sauver des naufragés et qui les a fait, pour certains d'entre eux en tout cas, monter à bord de son sous-marin. Dans l'Atlantique Sud, donc au large de l'Afrique toujours, en ce matin du dimanche 13 septembre 1942, les premiers rayons du soleil révèlent aux occupants du navire, du sous-marin, l'étendue du désastre à perte de vue. On peut dire à 360 degrés, vous avez des dizaines et des dizaines de naufragés, des grappes qui sont là, lamentables et gémissantes, des canots, des radeaux, des épaves. Et bien sûr, certains des naufragés sont blessés, ils sont même carrément sanguinolents, car outre les blessures contractées pendant le naufrage lui-même, il y a celles infligées à ses victimes par la population surexcitée de petits squales aux dents bien acérées qui arrachent un mollet par-ci, un coude par-là. La mer est maintenant couverte de naufragés et hérissée des ailerons de ces petits requins. À bord du U-156, c'est la situation de crise maximum. Le sous-marin est en surface, naturellement, puisque, il s'est ouvert. Hein, la coque est complètement couverte maintenant de réfugiés italiens. Mais les blessés ont été installés à l'intérieur. Il y en a partout, jusque dans les coursives. On prodigue partout des soins. Il faut distribuer de l'eau, des vivres, etc. Le message du grand amiral Dönitz a rassuré Hartenstein et maintenant il se croit même autorisé carrément à envoyer un SOS qu'il adresse avec tout un petit texte en anglais. Il faut insister à ce stade sur l'extrême vulnérabilité du sous-marin qui, tant qu'il sera immobilisé en surface, va constituer une cible rêvée pour la chasse britannique ou américaine. Dönitz, d'emblée, a pris la mesure de cette opération tout à fait hors du commun et sans perdre de temps, il a songé pour porter secours à Hartenstein aux Français. Il contacte 2 amiraux français à Bordeaux et à Dakar et il leur demande d'adresser, d'envoyer très vite des navires. Alors évidemment, quand on dit très vite, Dakar est à plus de 1000 marins. Donc il ne faut pas attendre de secours avant l'après-midi du 16 septembre au mieux. Dans la matinée du 14, l'équipage du U-156 a aperçu une voile à l'horizon et puis bientôt 3 canots. C'est les embarcations de sauvetage du Laconia. Et en voilà qui arrivent avec des femmes, avec des enfants et encore avec d'autres réfugiés. Là, on ne sait vraiment plus quoi en faire d'une certaine manière. Et il y en a d'autres qui arrivent encore dans la journée. Et le lundi soir au couchant, Hartenstein a comme ça sur les bras 5 canots pleins de malheureux, sans compter les 200 passagers imprévus à son bord. Et puis soudain, à 22h30, un flash dans la nuit, des cris de joie, c'est le U-506 de Wundermann qui arrive beaucoup plus vite que prévu. « Ohé, Wundermann, je vais te refiler du monde !» lui fait dire par radio Hartenstein. Oui, ben pas du tout, parce qu'en fait, lui-même est surchargé de réfugiés. Et quand le troisième sous-marin, celui de Zart, va arriver, il est lui aussi complètement couvert de navires. Et on prévient l'état-major de Dönitz à Paris. Là, on commence quand même à manquer un peu d'humour. Dönitz précise « Le sauvetage ne doit en aucun cas diminuer l'aptitude au combat des bateaux. » Ben ça, on aimerait bien voir comment. L'idée d'un ménagement quelconque de la part de l'ennemi est tout à fait fausse. Ça, c'est assez bien vu de la part de Dönitz. Vous allez voir que, effectivement, il a raison de se méfier. Bientôt, les 2 autres U-boats vont donc s'éloigner et le U-156 se retrouve seul. On est dans cette journée du 16 septembre. On attend les navires français qui maintenant s'annoncent. Ils sont à proximité. Ils devraient être à pied d'œuvre dans le courant de la nuit suivante. Oui, seulement voilà, dès 10h ce matin-là, on signale un avion en vue. Alors, est-ce que ça pourrait être un avion de patrouille ou de reconnaissance ou de sauvetage français? Pas du tout. Car cet avion-là, il ne vient pas du tout des côtes africaines, il ne vient pas du tout du Sénégal, il ne vient pas du Nord-Est. Cet avion-là, il arrive du Sud et c'est un bombardier américain, un quadrimoteur B-24. vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un court instant sur Europe 1, nous reviendrons avec vous, Franck Ferrand, au torpillage du Laconia. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Retour avec vous, Franck Ferrand, au torpillage du paquebot britannique Laconia. Alors, à bord du sous-marin, évidemment, le capitaine Hartenstein est en grande difficulté. Il ne sait pas encore que cet avion est en train d'approcher, mais il va bientôt le découvrir, cet avion américain, avec l'étoile blanche sur le fuselage, vous savez, ce quadrimoteur, qui est piloté par un jeune américain qui est un stagiaire en exercice et qui, pour tout vous dire, n'en croit pas ses yeux. Ce qu'il a sous les yeux est inouï, cette espèce de mer de naufragés avec une croix rouge de 4 mètres carrés qui quand même a été confectionnée sur ordre de Hartenstein et installée à l'avant du sous-marin. Immédiatement, l'avion s'éloigne pour aller prévenir sa base. Sa base, elle se trouve sur l'île de l'Ascension. Or, et ça c'est extrêmement important, ça explique toute cette histoire, il n'est pas question du tout pour les Américains de révéler d'une manière ou d'une autre qu'ils disposent de cette base, cette espèce de tout petit rocher perdu en plein milieu de l'Atlantique. Ils ne peuvent pas révéler ça. Et donc, il n'est pas question de tergiverser d'une manière ou d'une autre. Ils ne pourront pas recueillir quiconque sur place. Alors évidemment, en bas sur le U-156, c'est l'attente, une attente anxieuse, parce qu'on l'a vu passer. Le bombardier américain, bien entendu, il est là au-dessus d'eux, si je puis dire, comme une épée de Damoclès. Et puis à 10h30, le fameux Bill, puisque c'est le nom du fameux du pilote, est de retour et il va lâcher sa première bombe, qui tombe à quelques mètres seulement du kiosque du sous-marin, qui fait une gerbe gigantesque, ça inonde le pont, ça balaie d'ailleurs un certain nombre de naufragés qui étaient là, ça sème totalement la panique chez ceux qui sont restés, qui se cramponnent. Or, le pire est à venir. Hartenstein vient d'actionner le maudit klaxon réservé aux alertes et il lance l'ordre « parer à plonger ». Et cette fois, c'est tout le monde dehors. On largue tous les canots du U-boat. Alors les Anglais vont donner l'exemple de la discipline. Ils sont très british, vous savez. Les femmes vont embarquer sur un canot de sauvetage. Les hommes plongent. Mais les Italiens, les alliés, les frères de l'Axe, il va falloir les pousser hors de l'habitacle. Et une fois sur le pont, c'est-à-dire sur la coque du sous-marin, si vous voulez, ils continuent de s'accrocher. Et ils vont sentir le bâtiment s'enfoncer sous leurs pieds. Le U-156 va bientôt sonder à 90 mètres de fond, ce qui crée d'ailleurs en surface un remous dont vous pouvez imaginer les dégâts. Or, au même moment, nouveau passage du bombardier qui décidément exécute ses ordres avec un certain zèle. Des ordres qui sont des ordres par défaut du reste, puisqu'il n'a pas réussi à établir la liaison radio avec son commandement. Eh bien, allons-y. Il fait ce qu'il est censé faire en temps de guerre et il va larguer de nouveau des bombes. Vous imaginez les pauvres gens en bas. Deux bombes sont tombées sur l'avant du kiosque au moment où le U-156 commençait à s'enfoncer. Le périscope est atteint, mais enfin, d'une manière générale, ça fait pas de gros dégâts. Mais à la surface, les dommages sont terribles. Il y a maintenant une centaine de cadavres qui flottent dans le remous, un canot a été disloqué, son étrave se dresse dérisoire vers le ciel d'où la mort est venue. Alors évidemment, Hartenstein va prévenir Dönitz à son PC en France et la première réaction du grand amiral allemand, c'est d'ordonner aux autres U-boats d'abandonner leur naufragé. Seulement in extremis, Dönitz se ravise. Après tout, les navires français ne sont plus très loin, on ne peut tout de même pas rejeter tout ce monde à l'eau. Allez, dit-il, nous continuons. Simplement, il fait rappeler à Zart et à Wundermann, donc les deux autres, les consignes priorité à la sécurité des sous-marins. Le télégramme de l'état-major adressé à tous les sous-marins allemands dans cette zone commune commence par ces mots. Assez peu habituel, c'est même le moins qu'on puisse dire, ces mots, quand on connaît le caractère compassé en temps normal de Dönitz et des ordres militaires d'une façon générale. « Der Tommy ist ein Schwein », la Merloc est un porc. Cette phrase, inutile de vous dire, sera retirée des dossiers officiels. Elle ne sera même pas présentée au moment du jugement de l'amiral Dönitz à Nuremberg. Parce que Dönitz sera bien sûr jugé et condamné à Nuremberg plus tard dans de tout autre, évidemment sous de tout autre chef d'inculpation. Nous allons y revenir dans un instant. Quel est finalement le bilan de cette affaire? Parce que grâce aux derniers ordres de l'amiral de Nitz, les navires français vont pouvoir arriver sur la zone, vont pouvoir recueillir un certain nombre de naufragés. Il y aura en tout 1041 rescapés, dont certes 373 Italiens, mais également 70 Polonais et 595 Anglais, donc des gens de tous les camps recueillis dans cette période pourtant particulièrement tendue de la Seconde Guerre mondiale. Bonjour Pierre Belmar. La photographie évidemment du torpillage du Laconia est dans votre ouvrage, au milieu d'un certain nombre d'autres. Elles sont 44 en tout que vous avez commentées, dont vous nous racontez l'histoire. Alors on va y revenir avec vous et puis on va revenir sur un certain nombre d'autres, bien entendu. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, vous recevez cet après-midi Franck Ferrand, Pierre Belmar, homme de radio et de télévision qu'on ne présente plus, auteur avec Jérôme Ecker d'Histoires secrètes des 44 photos qui ont bouleversé le monde 1940-1945 aux éditions Flammarion. Et c'est un très bel album co-signé effectivement par Jérôme Ecker et non pas Pierre, comme je l'ai rebaptisé un peu vite tout à l'heure. Le Pierre, il est avec nous, notre Pierre d'Europe 1. Alors Pierre Belmar, c'est une affaire terrible ce torpillage du Laconia et c'est inouï qu'on en possède une photo. Il y a des gens qui ont pris le temps de... Oui, c'est ça qui est insensé. C'est que dans n'importe quelle situation, la pire des situations, il y a très souvent une photo. Nous le savons, par exemple, il y a une photo un peu plus loin dans cet album, absolument épouvantable, d'un sous-officier qui est donc condamné à mort et qui va donc avoir la tête tranchée. Hein. Et on est juste au moment où le Japonais a son épée au-dessus de la tête. La seconde d'après, elle va descendre et couper la tête de celui qui est en dessous. C'est effrayant. Le mot instantané n'a jamais mieux mérité son... Voilà, mieux mérité son... Bon, dans ce cas-là, il y a forcément un photographe, bien sûr, qui est là et qui photographie ce drame. Vous n'avez pas précisé, c'est très important de le dire, parce que l'histoire du bombardier américain est quand même parfaitement lamentable. Pour la bonne raison que les Allemands ont mis la Croix-Rouge sur leur sous-marin pour indiquer qu'ils sont en sauvetage. Et l'honneur des marins qu'a rappelé l'amiral de Nitz, c'est en effet de respecter cela. Or, il ne va pas... Vous me direz, les aviateurs, d'accord ? Mais les aviateurs et les marins, ils sont beaucoup empruntés aux marins. Je vous rappelle que tous les noms dans les avions viennent de la marine, sans exception. Et puis, c'était un tout jeune pilote qui était séparé de son propre commandement. Il n'arrivait pas à avoir de... Oui, mais simplement, il aurait dû savoir qu'on ne tire pas sur la Croix-Rouge. Oui, oui. C'est quand même un petit peu spécial. C'est pourquoi il y a ce commentaire très désagréable de dire que c'est un salaud. Parce que c'est un salaud. Pour les Allemands, ils disent, mais c'est une ordure, ce type. Ils tirent sur des bateaux qui sont protégés, en principe, par la Croix-Rouge. Donc, c'est l'explication, quand même, des expressions extrêmement violentes qu'ils ont par rapport à cet avion. Et l'amiral de Nitz, qui, dans cette affaire, a fait preuve d'une indépendance d'esprit assez stupéfiante, va être condamné par le tribunal de Nuremberg, relativement légèrement. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'il était quand même le dauphin et l'héritier de Hitler, hein, à la fin de la guerre, en tout cas, puisque c'est lui qui devait, l'amiral de Nitz, devait devenir le chef de l'État au moment où Hitler abandonne le pouvoir. Finalement, ça n'aura pas lieu, bien entendu. Il écope de 10-12 ans de prison. Oui, enfin, mais quand même, dans cette affaire, le Laconia va être porté à sa charge. Oui, ce qui n'est pas logique. Oui, c'est le moins compliqué. Ce n'est pas logique, puisque vraiment, il a retourné la situation. D'abord, il a eu un mauvais réflexe au départ, mais ensuite, il a le bon réflexe. Parce que c'est vrai que devant ce drame gigantesque, il y aura quand même... vous savez, dans un naufrage, arriver à recueillir 1100 personnes... C'est quand même considérable. Sur les 3000 originaux, et il y en a 1500 qui étaient morts tout de suite, de toute façon. Donc, c'est quand même une opération de sauvetage qui a réussi. Bon, et le Laconia, eh ben, c'est pas signalé comme un navire de la Croix-Rouge, et le sous-marin ne fait que son boulot. C'est la guerre de l'Atlantique, il faut descendre de plus de navires en face, et donc, il voit un énorme navire qui vient, et il le coule. Donc, on peut pas dire dans cette affaire-là, alors que la plupart de nos petites affaires dans cet album ne vont pas être vraiment à la gloire des Allemands. C'est un des rares moments qu'on peut attribuer à la gloire du commandant de ce sous-marin. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles cette affaire du Laconia n'a été peu à peu mise en avant qu'à la fin des années 60, pendant très longtemps, en France, en Angleterre, en Allemagne, on ne la racontait pas parce qu'effectivement, pour une fois, elle est plutôt à l'avantage des Allemands. Et alors, ce qui est extraordinaire dans cette histoire de photo, c'est que celui qui a fait la photo, le photographe lui-même, semble-t-il, c'est Werner Hartenstein, c'est-à-dire, c'est le commandant du sous-marin. Et alors, vous avez mis sa photo. C'est très bien fait, cet album, puisqu'à chaque fois, on a donc ce portrait hein, de l'auteur. On a derrière une sorte de contextualisation, c'est-à-dire qu'on explique plus généralement dans quel cadre ça se situe. Et puis, le récit de l'événement lui-même, avec une page sur laquelle vous avez reproduit la photo en plus petit et vous avez fait des encadrés qui permettent de souligner un certain nombre des aspects. C'est ça. À chaque fois, la photo est réanalysée, si vous voulez, et donc on lui donne de nouveaux cadrages qui ne sont que des cadrages figuratifs sur la photo et qui donnent des explications détaillées de ce que l'on voit, en quelque sorte. Parce que la photo générale, on lève devant, en général, la voilà, elle ouvre la page, elle est sur deux pages. Cette photo formidable, il faut l'expliquer parce que tout ça est un petit peu incompréhensible. Et donc derrière, on recadre et on donne les explications. On a le décryptage au dos, en quelque sorte. Ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, il y a la photo et l'histoire de celui qui a fait cette photo. Et en l'occurrence, là, la photo de Werner Hartenstein, qui sera d'ailleurs tué très rapidement puisqu'il meurt en 43. Oui, en 43. Et d'ailleurs, il faut dire que les deux autres, Wurdermann dont je parlais et Zart, les deux aussi sont morts. Oui. Cette bataille de l'Atlantique a été d'une violence extrême. Oui. Il y avait d'ailleurs ce très beau feuilleton U-boat où on voyait la vie à bord de ces sous-marins allemands. Ça devait être quelque chose d'assez effroyable. Évidemment, on était quasiment sacrifié d'office quand on descendait là-dedans. Sans doute. Et d'autre part, il faut le rappeler également, ces sous-marins étaient par contre parmi les plus modernes de cette époque. La marine allemande était une bonne marine, très bien faite, et notamment les sous-marins qui étaient peut-être les vedettes de cette marine. Alors il y a des photos extrêmement fortes là-dedans. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de recueillir tous ces clichés tellement célèbres de la Seconde Guerre mondiale, Pierre Bellemare ? Eh bien, je dirais que je travaille avec Jérôme Ecker depuis 40 ans. Jérôme est lui-même un photographe qu'il ne faut pas oublier. Il a édité de quelques livres d'ailleurs, très bien faits d'ailleurs. L'un sur ce qui se passe, et on va enfin se décider à remettre des bâtiments pour loger les réfugiés à Calais, après les avoir détruits avec beaucoup, beaucoup de propagande dans une certaine époque. Maintenant, on va les remettre. Tout ça est assez stupide et nous sommes vraiment stupides d'avoir accepté les deux choses, si vous voulez. Mais bon, il a fait un très beau livre là-dessus. Et puis, il a également été à Gaza dans des moments extrêmement difficiles. Et il faut être drôlement courageux pour y aller dans ces moments-là. Et il a également photographié la vie quotidienne de ces gens pendant ces guerres qui existent. Donc, il sait ce que c'est qu'un cliché de crise, un cliché de guerre, en fait. C'est un homme, c'est un photographe, justement. Il n'a pas été suffisamment vieux pour pouvoir photographier la dernière guerre. Mais cela dit, il s'est mêlé à beaucoup de conflits. Et donc, c'est un excellent photographe. Et c'est vrai que sur ces photos totalement exceptionnelles que nous avons regroupées, on n'avait pas toutes les explications nécessaires. On n'avait pas le secret, en quelque sorte, de ces photos. Et on a été là pour chaque photo à donner le secret de cette photo, pourquoi elle est là, pourquoi elle a été faite, comment, dans quelles conditions et par qui. Voilà. Un beau film a été réalisé il y a quelques années sur la fameuse photo d'Iwo Jima, où l'on voit tout ce groupe de soldats américains en train de hisser la bannière étoilée. C'est vrai que c'était très discuté. Elle est là, elle est même sur la couverture. Bon, c'est une photo totalement symbolique de la dernière guerre. Mais on l'a contesté. On a dit que c'était bidon. On a dit que on avait mis de faux soldats. C'était une mise en scène. Ouais, c'était une mise en scène. Bon, c'est entièrement faux. C'est le hasard, encore une fois, ce merveilleux hasard qui fait qu'on a une photo absolument fabuleuse et qui est devenue le monument aux États-Unis symbolique de cette guerre. Et c'est la force de ces clichés de la Seconde Guerre mondiale. On a l'impression, en quelque sorte, qu'ils résument à eux seuls un certain nombre des épisodes majeurs de cette guerre. Ce qu'il faut dire, c'est que cette guerre, vous étiez évidemment très jeune, mais vous l'avez vécue, cette guerre. Oui, j'avais 10 ans à la déclaration de guerre et 15 ans à la fin. Et donc, ça certainement, ça vous touche particulièrement de ce point de vue. Oui, surtout que on écoutait évidemment énormément Radio Londres, mais on écoutait aussi Radio Paris, parce que il fallait bien avoir l'ensemble des informations et plus facilement. Parce que Radio Londres, c'était quand même assez difficile à capter. Et puis on avait peur, parce qu'on ne savait jamais ce qui pouvait arriver dans l'immeuble. On écoutait en douce, quoi, en quelque sorte. Et quand, je me souviens toute ma vie de cela, quand on a appris par Radio Londres, d'ailleurs, parce que les Allemands s'étaient bien gardés de le dire, que le maréchal Montgomery, qui était général à l'époque, avait vaincu l'officier allemand, le général allemand Rommel à El Alamein, bon, ce retournement de situation, la première, il n'y a pas de victoire avant. Premier bon signe. Ce ne sont que des défaites, partout. Et là, d'un seul coup, l'armée anglaise et Montgomery. On renverse la vapeur. Alors, on ne se rendait pas compte à l'époque que le renversement de la vapeur avait eu lieu avant. Parce que c'est la résistance du peuple anglais en Angleterre qui en fait nous a sauvés. Si Hitler réussit à envahir l'Angleterre, nous serions actuellement sous un régime nazi. Parce que les Américains se contrefoutaient d'Hitler à l'époque et pensaient que c'était même très bien d'avoir un peu d'ordre dans cette Europe un petit peu en désordre, etc. Faut pas se tromper de ça. Roosevelt n'est pas du tout convaincu qu'il faut venir aider l'Europe. Et le seul qui se bat pour lui-même, bien entendu, c'est Winston Churchill. Et je ne comprends pas, je le dis tout fort et tout haut ici, qu'on ait donné à cet homme extraordinaire une avenue où il n'y a aucune adresse. Car l'avenue qui est entre le Grand Palais et le Petit Palais... C'est une fausse avenue, oui, c'est une allée, en fait. On ne peut pas lui écrire, monsieur, c'est impossible. Je ne peux pas, moi, mettre sur mes lettres avenue Winston Churchill, c'est pas possible. Éventuellement, vous pouvez toujours déposer une gerbe au pied de la statue, car il y a une belle statue. Vous me direz que le deuxième, qui a sa statue à l'autre bout, et qui est le général de Gaulle, on lui a donné la place de l'étoile, que personne n'appelle place du général de Gaulle, absolument personne, et où il n'y a également aucun numéro. Oui, donc décidément. On ne peut pas non plus écrire au général de Gaulle. Je trouve ça un peu bizarre dans la distribution des rôles dans les mairies françaises. Voilà. Deux sont inconnus à cette adresse. Oui. Vous entendez Pierre Bellemare vous raconter de belles histoires, même pas besoin de vous préciser que vous êtes sur Europe 1. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Les auditeurs fidèles d'Europe 1 auront reconnu l'indicatif des dossiers extraordinaires, Pierre Bellemare. Alors, pendant que j'étais en train de raconter moi, mon histoire du Laconia tout à l'heure, pendant l'interruption publicitaire, vous m'en racontiez une autre, et c'est vrai, une histoire de guerre fascinante et qui me rappelait des souvenirs, parce que vous l'aviez raconté dans les histoires extraordinaires ou les dossiers. C'est l'histoire d'un pigeon. Oui, c'est un pigeon qui est aujourd'hui empaillé dans un cadre, enfin, on lui rend hommage, il est décoré, et il est à l'amirauté britannique. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est encore une histoire de sous-marin. C'est un sous-marin qui est emporté, parce qu'à l'époque, ça paraît invraisemblable, mais on emportait encore des pigeons voyageurs. Mais oui, hein, ça peut servir. Ça peut servir. Et donc, ce sous-marin se trouve blessé. Il peut tenir encore un certain temps, mais il faut absolument qu'on lui porte secours, surtout que lui, il est en surface, puisqu'il ne peut plus plonger. Bon. Et donc, le commandant a une idée. Il a des pigeons voyageurs. Et il en envoie un avec un message, évidemment, destination de l'amirauté. Or, un pigeon ne voyage pas la nuit. Il ne vole pas la nuit. Il vole que le jour. Bon. Or, entre l'endroit où se trouve le sous-marin et l'île de Grande-Bretagne, il y a vraiment une très grande distance. Comment va faire ce pigeon? Eh bien, il va partir, bien entendu, pour sa destination, et il va avoir l'extrême intelligence de trouver sur sa route des bateaux. Et donc, il voit que c'est la nuit qui arrive, il se pose sur le bateau, et il choisit les bateaux. En plus de ça, ce qui est extraordinaire, qui vont dans le bon sens. Qui ne lui font pas perdre de temps. Non, pas du tout, qui vont dans le bon sens. Il va comme ça avoir deux ou trois relais avant, enfin, d'arriver à son but. Et il va arriver à son but, il va pouvoir, donc, grâce à ça, avertir l'amirauté, et l'amirauté pourra sauver l'équipage de soir. Donc, il méritait, en effet, sa décoration, et d'être encore aujourd'hui exposé au vu de chacun. Et l'oiseau le plus décoré de l'histoire militaire. Voilà, formidable histoire. Alors, il y a un certain nombre d'histoires complexes dans cet album, bien entendu, puisque il faut toujours arriver à décrypter une photo. On apprend ça maintenant aux enfants dans les écoles. Moi, de mon temps, on n'apprenait pas tellement à lire les photos, mais maintenant, oui. L'image est tellement présente qu'on apprend aux gens comment essayer de décrypter les choses. Et pour un certain nombre d'entre elles constituent aujourd'hui encore de véritables énigmes. Je pense à cette énigme du fusilier souriant. Ah. C'est page 282 de l'album. Eh bien, ça, c'est une histoire absolument incroyable. Incroyable. Parce que on la raconte en deux mots. Oui, bien sûr. C'est une photo, très belle d'ailleurs en soi, artistiquement, dirons-nous, si on ose trouver ça artistiquement. Bon, peu importe, on voit de dos des soldats allemands, casqués. Ils ont tous un fusil à l'épaule, ils visent, tous, sous les ordres d'un officier qu'on voit sur le côté, ils visent un monsieur qui est devant eux et qui est contre un mur. Et ce monsieur, et c'est ça qui est absolument extraordinaire, et c'est pourquoi cette photo a fait le tour du monde, ce monsieur a une sorte de sourire pincé. Hein, il a un vague sourire. Un rictus. Qui est plutôt un sourire. Hein, bon. Donc voilà, ils sont aussi, évidemment, l'interprétation primaire de cela, c'est se dire, écoutez, c'est un héros extraordinaire. On l'a mis là pour le flinguer. Et comme un dernier défi à ses tueurs, il sourit. Bon. Hein, donc c'est l'hommage qu'il rend à tous les résistants. C'est extraordinaire comme photo, c'est fabuleux. Bon. Alors longtemps, on s'est posé la question quand même, parce qu'on se disait, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est pas ça? On en avait fait un symbole de la résistance. Cette photo a été distribuée à de très grands nombres d'exemplaires. Bon. Et puis, un enquêteur, qui est d'ailleurs un Belfortois, je pense qu'on Belfortin, Belfortin peut-être. Belfortin, oui, sans Belfortin, doute, oui. A donné la solution. Alors, en fait, cet homme a été arrêté, je dirais, pour un délit de résistance, appelons-le comme ça, mineur. Donc, il ne peut pas redouter d'être fusillé. Bien. Et on va lui mettre un marché en main, lui dire, voilà, on a besoin d'une photo de propagande pour que vos petits camarades ne fassent pas de bêtises. Donc, on va faire toute la construction d'un homme qu'on fusille, mais en fait, on ne va pas vous fusiller. Donc, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas fusillé. Donc, ce monsieur est dans cette situation insensée, où il est devant tous ces soldats qui, en fait, n'ont pas de balles dans leur canon. Un officier qui, d'ailleurs, curieusement, est dans une tenue légère, ce qui ne serait pas le cas. Il n'est pas coiffé, notamment. Hein, oui. Il n'a pas de chapeau, il n'a pas de chef. Ce serait impossible chef, si oui. C'était une vraie fusillade. Et donc, il est là, et alors, il a ce sourire insensé, parce que, en même temps, il pense à ses camarades qui ont été flingués, il pense à ça. Et il a cette sorte de crispation du visage qui va être interprétée de toutes les manières, mais qui en fait est une crispation de, comment dirais-je, à la fois de peur, d'énigme, de savoir si ce qu'on lui a dit était vrai ou pas. Bon, mais en fait, c'est un faux fusillé. Le fusillé souriant est un faux fusillé. Cela dit, on a été un petit peu plus loin, et ce monsieur qui nous a révélé cela, ce Belfortin, nous a révélé aussi la suite. C'est que cet homme, malgré cela, et malgré le service qu'il leur avait rendu, a été gentiment déporté et est mort en déportation. Donc c'est un héros de la résistance, mais curieusement, sa fusillade ne correspond pas à la réalité. Voilà. On va bientôt célébrer le 11 novembre, et à cette occasion, évidemment, nous ferons une émission spéciale ici même, et nous parlerons notamment du rôle de Marie Curie pendant la Première Guerre mondiale. Tous les 11 novembre, on est là pour parler de la Première Guerre mondiale, mais cette année, comme nous sommes l'année du centenaire, c'est très particulier. Il y a, dans l'album, une photo du célèbre défilé du 11 novembre. Ah, oui. Ça, c'est extraordinaire. À Oyonnax, il faut expliquer ce qui s'est passé. C'est magnifique. Eh bien, les patriotes, bon, les résistants, les gens qui luttent contre l'occupant, bon, ont décidé, contre toute attente et surtout prenant un risque absolument gigantesque, de célébrer, alors que c'est totalement interdit, de célébrer le 11 novembre à Oyonnax. Et donc, les résistants vont s'habiller, vont se mettre en tenue, vont sortir leurs armes, ce qui est absolument insensé, bon, et vont défiler jusqu'au monument aux morts, où on va remettre une gerbe. Enfin, ce qui est totalement classique aujourd'hui à voir le 11 novembre, va être fait en pleine occupation à Oyonnax par des résistants. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que sur le champ, alors qu'il y a des collaborateurs dans toutes les villes, qu'il y a des salopards dans toutes les villes, hélas, mais c'est ainsi, bon, eh bien, ça va se passer sans incident. Du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on va pouvoir cet acte patriotique. Et on assiste à l'acte patriotique avec plusieurs photos qu'on a. Il y a une célèbre qui est celle où il défile, mais on en a ajouté quelques-unes, puisque tout a été photographié. À chaque fois, évidemment, presque à chaque fois, quand vous le pouvez, en tout cas, vous évoquez le photographe. Ah, toujours. Et vous parlez de la technique aussi. Ah. Avec quoi prend-on ces photos? Parce que ça, il faut le dire, hein, ça, c'est inouï. Il y a un appareil qui a fait beaucoup de photos de guerre, qu'on appelle le speed graphique, qui est un appareil américain. Vous savez, quand on voit les films américains d'avant-guerre et les photographes qui photographient les vedettes, bon, vous avez remarqué, ils ont une grosse ampoule avec un réflecteur considérable au-dessus et un appareil énorme. Ce n'est pas des petits appareils du tout. Alors, le speed graphique, c'est un appareil très primitif qui photographie sur plaque. Donc, à chaque fois que vous faites une photo, il faut sortir la plaque. Remettre une autre plaque. Bon, c'est-à-dire qu'entre deux photos, il s'écoule une à deux minutes. Vous voyez, bon, le temps de faire ces simples manœuvres pour un photographe. Eh bien, malgré cela, il y a dedans, dans ce livre, des photos de guerre faites au speed graphique et qui sont parmi les plus émouvantes. Par exemple, je pense au retour du soldat qui embrasse sa femme avec son gosse en amorce. Hein. Ouais. C'est une photo, j'ai pleuré devant cette photo. Ouais, c'est une photo extraordinaire. Et cette photo est merveilleuse car on ne voit aucun visage. Chacun peut s'y placer. Oui. Et dans les bras de sa femme, donc il est masqué. Sa femme est de dos, elle est contre lui. Et le gosse arrive et il est de dos aussi. Mais il y a une telle ambiance discernable que c'est une des plus émouvantes photos qu'on ait fait de la guerre et du retour des soldats après, blessés ou après la guerre. En fait, je crois, vous avez trouvé là une porte d'entrée extraordinaire dans l'histoire. Oui. La photographie raconte énormément, et en plus elle raconte avec l'émotion, ce qu'on demande à mon avis au grand témoignage historique. Alors il y a bien sûr des pages de la grande histoire, entre guillemets, je pense au bombardement de Pearl Harbor, par exemple, hein, avec photographie tout à fait... Notamment une en gros plan qui montre l'état du navire après le passage des avions japonais, oui. J'étais pris complètement dépourvu. On n'arrête pas de dire extraordinaire, incroyable. Audrey nous dit, inutile de dire que les histoires de Pierre Bellemare sont incroyables. C'est un pléonasme, bien sûr. Mais on ne peut pas évoquer la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, sans parler de l'horreur, sans parler de cet enfer, sans parler des... Vous parliez des déportés tout à l'heure, et notamment, en l'occurrence, du génocide de la population tzigane. Et il y a une terrible et bouleversante photo que vous avez baptisée « Voyage vers l'enfer ». Et on voit cette jeune femme, le visage hâve, elle porte un foulard, elle est à elle-même, à elle seule, l'expression même de la détresse. C'est très, très... Il est difficile de faire des commentaires sur cette photo. Oui, bien sûr, parce que ça ne se commente même pas, finalement. Elles sont tellement parlantes d'elles-mêmes, oui. Donc, mais on a voulu les mettre tout à fait à l'honneur dans ce livre, parce que c'est vrai que les gens qui ont fait ces photos, par contre, parfois, ont risqué leur vie pour cette photo. On a comme ça retrouvé des photos. Il y a une dame qui garde, par exemple, dans sa bouche, vous l'avez vu, nous l'avons évoqué, pendant un an et demi, elle va garder la photo de son fils dans sa bouche, de manière à ce qu'elle ne soit pas retrouvée par les Allemands, parce qu'elle est déportée elle-même. Elle a sa photo qu'elle avait amenée avec elle. Et donc, qu'on ne lui vole pas cette photo, pour qu'on ne lui prenne pas, qu'on ne la confisque pas, elle va la garder pendant des années, presque des années, de nombreux mois, toutefois, dans sa bouche. Oui. Alors, évidemment, à l'issue... Il y a la photo avec cette petite fille qui marche devant ce cortège, hein, avec ce SS qui a... On peut penser qu'il la vise, quasiment. Ce n'est pas le cas, d'ailleurs. Bon... Il a son fusil comme ça, mais il ne vise personne. Mais on le sait, ce sera un bourreau des camps de déportation. C'est donc un type épouvantable qui sera d'ailleurs exécuté pour toutes les horreurs qu'il a commises. Et tout est dit. Et je pense que quand Spielberg a fait ce formidable film sur les camps de concentration et sur cet homme... La liste de Schindler. Oui, qui a donc sauvé beaucoup de gens... Vous savez, c'est la seule petite fille qui est en couleur. Tout le film est en noir et blanc, mais la petite fille est en couleur. Eh bien, ça m'a fait penser, je me suis dit, qu'il avait dû voir cette photo terrible et que cette petite fille n'est que la reproduction cinématographique de cette photo-là. Évidemment, on ne pourrait pas faire un livre comme celui-là sans citer un certain nombre de très grands maîtres. Alfred Eisenstadt, je l'ai là sous les yeux. Frank Capa, bien entendu. Sa femme. Cartier-Bresson, dont vous montrez un très, très bel autoportrait, oui. D'ailleurs. Ah oui, ce sont des géants. Pourquoi Capa, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il, je le rappelle, et on le montre, il est dans le premier débarquement, il est dans l'une des premières péniches. Oui. Il saute, bon, très bien, il n'est pas tué, ce qui est un coup de chance, parce que tout le monde se fait à peu près flinguer. On est à Omaha Beach, ce qui est un très mauvais endroit, le pire des endroits. Et il arrive à photographier, il fait trois rouleaux, si je ne me trompe, et il trouve quelqu'un, il faut les renvoyer très très vite à Londres pour qu'ils soient développés et que la presse puisse en profiter, puisque ces gens travaillent pour des grands magazines, et ils travaillent comme... Hein, bon, ce sont des héros, mais en même temps, c'est des gens qui travaillent. Et le laboratoire qui veut, qui est pressé, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est insensé, va quasiment louper la totalité des clichés qui vont être totalement perdus. Il n'y a que, je crois, 6 ou 7 photos qui vont être sauvées, qui ne sont pas bonnes. Elles sont presque toutes floues, sans exception. C'est atroce de penser ça. Cet homme qui risque sa vie, qui va au plus loin de ce qu'on peut aller faire pour prendre des photos d'un conflit, et qui se trouve trahi par le laboratoire. Eh oui, c'est... Mais on l'a fait voir cette photo parce qu'elle est également très importante. Bien sûr, et moi j'ai décidément un problème avec les prénoms aujourd'hui puisque j'ai rebaptisé Kappa Franck, c'est Robert Kappa, Kappa, tout le monde aura corrigé bien entendu. Merci beaucoup Pierre Belmar de nous avoir emporté dans toutes ces aventures photographiques. Je rappelle le titre de ce très bel album publié chez Flammarion, Histoire secrète des 44 photos qui ont bouleversé le monde, c'était évidemment le terme, signé par Pierre Belmar et Jérôme Ecker. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez aujourd'hui, Franck Ferrand, à la question d'Amaury. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Il voudrait connaître l'origine des termes petite ceinture et grande ceinture parisienne. Alors ça, c'est très intéressant. Ça remonte au 19e siècle, c'est pas très vieux, et ça a un rapport direct avec les gares et les lignes ferroviaires, bien entendu. Vous savez, au milieu du 19e, les gares parisiennes existent, seulement les compagnies sont un peu réticentes à mettre en place un système d'échange entre ces gares, dont il faut pas oublier qu'elles sont privées et que les compagnies elles-mêmes sont totalement privées. C'est le gouvernement qui va créer ça, et par un décret de décembre 1850, on est juste après le coup d'État de Napoléon III, la ligne de petite ceinture de Paris est donc créée, l'objectif étant de relier à l'intérieur du mur d'enceinte de Paris les grandes lignes de la capitale. La première section de cette petite ceinture, elle est mise en service dès 1852. Il faudra attendre 10 ans, même 15 ans pour l'avoir mise entièrement en service. Elle va transporter énormément de monde, hein, jusqu'à 100 000 visiteurs par jour au tournant du siècle vers 1900. Bien sûr, il y aura très vite la concurrence du métro et à partir de là, on va voir le rôle de la petite ceinture diminuer considérablement. Pour ce qui est de la grande ceinture, sa construction est décidée quant à elle en 1875 et elle est mise en service en 1881. Elle est située hors de l'enceinte de Paris et elle se raccorde aux grandes lignes dans le but de désengorger justement la ligne de petite ceinture et de pouvoir desservir toutes les petites villes de banlieue. Et c'est ce que me disait Pierre Belmar à l'instant, entre cette grande ceinture et la ligne de fortif, il y avait ce qu'on appelait la zone autrefois. Oui, la zone. Avec les voyous de barrière. Ah bah oui, on vous menaçait de vous laisser seul dans la zone. Vraiment, c'était un endroit terrifiant. D'où l'expression le zonard, etc. Oui, ça vient de là. Mais oui, effectivement. Donc, c'était une bonne question que nous posait Amaury. C'est un peu toute l'histoire de Paris au 19e siècle que pose cette question. Je vous signale que ce soir, à 19h30, je serai à l'hôtel de ville de Tours, par ailleurs, pour vous parler d'Alésia. Et c'est au profit de la recherche contre le cancer. Donc si vous êtes à Tours ou dans la région, je vous attends à 19h30 ce soir.